Je me rends chez le père Firmin, le placeur que j'ai vu avec ma Toussaint jadis, mais qui ne me reconnaît pas d'abord. Il m'est venu des moustaches. Je lui fais part de mon intention de rentrer dans l'enseignement. Je prends la lettre du père Firmin pour M. Antétard. « Monsieur, vous savez les conditions. 15 francs par mois, le déjeuner au pupitre et vous fournissez le sifflet. » Je vais donc en voiture prendre et reporter les enfants à domicile. Mon rôle est de siffler dans les cours pour avertir les parents. Je siffle, les enfants descendent et je les conduis à la pension. Fin du mois. Jeudi 5h, M. Antétard n'est pas paru. Vendredi 7h, les enfants sont ramenés. Où est Antétard? J'appelle. J'enfonce la porte, tant pis, il me faut mon dû. Au commissariat. Vous avez été arrêté sur la plainte de Mme Antétard qui, pour échapper à vos obsessions, a dû fuir de chambre en chambre. Je dévoile tout. Le commissaire. Je vous crois innocent. Éteignons l'affaire. Je vous conseille seulement de leur laisser les 15 francs. Voilà mes débuts dans la carrière de l'enseignement.